guichet. Un billet, madame, un billet, 4 francs s'il vous plaît. Je cherche dans ma poche, je fouille partout. Ma poche avait un trou, bref, j'étais sans le sou, mais non pas sans reproche. Alors un monsieur s'approchant me dit en ricanant: et quoi, pas de monnaie? Ah, permettez que je vous paie avec empressement la baignoire du sentiment. Ah, ces mots, je m'enfuis soudain. Sitôt le galant s'élance sur ma piste. Ah, quelle est ma frayeur! Il approche, il insiste, et je double le pas pour qu'il ne me rattrape pas. Il y met de l'acharnement, presse le mouvement, et mon cœur bat si vivement qu'à l'instant j'entre dans un corridor. Puis j'appelle bien fort Floridor, Monsieur Floridor. Alors est-ce un ange gardien? Je ne le sais pas bien. Est-ce la Providence? J'entends une voix qui répond: Floridor, au second, tout droit, la porte au fond. Et renaissant à l'espérance, avec plus d'assurance, ici j'arrive en me disant: tout ça c'est grave assurément, c'est grave, et pourrait-on, c'est amusant. Oh, un officier avec une actrice. C'est dommage, mon petit champlain truc, tu ne puisses pas venir à la fin du spectacle. Je le regrette beaucoup, mais c'est impossible. Adieu, Sylvia. Adieu.